comença la nostra sintonia una nova edició de Hola la Música, el programa de música en francès que us presenta Rafael Cordí. Programa número 112. Espero que sigui del vostre grat. Així és la música i així és la companyia. Michel Berger ens ho fa saber. La bona música ens diu cada vegada que comencem amb aquesta temporada el nostre programa. Comencem amb diverses cançons que ens porten artistes de la música francesa destacadíssim, com Jean-François Michel, amb aquest tema Adieu Jolie Candy. Adieu jolie Candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu jolie Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. Dans cet avion qui t'emmène vers l'Angleterre. Adieu, jolie Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu jolie Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. ta besogne, devenir moins qu'une charogne, prise au piège de tes lois. Inutile de me débattre, près de toi je me fais battre, j'en oublie l'estime de moi. De tes jeux, un sombre poison, s'immisce sur mon pantalon, les hauts degrés de tes pulsions. Oh, comme c'est bon! Aquesta és la música de Beltane Angel, que també ens acompanyava amb en Paris, la seva cançó, amb el començament del nostre espai, en el qual farem una aturada ara amb quatre cançons del quart àlbum d'aquesta meravellosa, al meu entendre, cantant, Amel Ben Bashir, nascut el 22 de juny del 1985 a París, cantant de soul, rhythm and blues, varietat francesa i pop, i que, com ja hem recordat alguna vegada, a l'emissió de Nouvelle Star d'M6 va ser a la temporada 2, es va donar a conèixer allà 2004, i sobretot amb el seu primer àlbum, Un dia d'estiu, Un jour d'été. Aquest és el seu quart àlbum, el primer que no va tenir premis, no va tenir nominacions importants, i que amb el primer senzill, que és la primera cançó que escoltarem, no va acabar de triomfar, una cançó Ja resta, que era escrita per Benoit Poirier, un membre antic del grup Kyo, i que no va acabar de funcionar. És una balada amb tocs de música pop, en la producció de Ryan Tedder, que havia treballat per Beyoncé, Leona Lewis o B.O.B., i amb un clip amb el que sortia l'actor Carl Elander, amb qui tenien una amistat, en realitzar per Karim Mouret. El clip havia sortit a finals de 2011. Aquest senzill de l'octubre de 2011, com hem dit, no va acabar de funcionar, i les vendes de l'àlbum se'n van ressentir al començament. Escoltem aquest tema, Ja resta, de la Amel Ben. Souvent ça, à le bout d'une histoire. Una segona cançó va sortir com a senzill d'aquest àlbum. Li va donar un cop d'efecte amb el disc, va passar de les 10.000 còpies venudes cap a les 50.000 després de triomfar aquest delita a la ràdio amb els temes radiofònics que es podien escoltar d'aquesta cançó. Una peça de l'artista que avui ens acompanya, Abel Vent, que ja havia estat present amb el nostre programa a les edicions número 76, 85 i 94, parlant-nos també d'àlbums seus a través del segell Jive Records. El 5 de març de 2012 s'estreia aquest segon senzill extret del seu àlbum que avui repassant, el Delit Mineur. Una cançó remixada després per Bust of Funk que la feia força diferent de la versió original que es troba en l'àlbum, que és la que nosaltres escoltarem dins aquest gènere d'electropop, rhythm and blues que ens aportava amb aquest disc. Que je suis incapable d'être une adulte raisonnable, que je joue de tout. La musique, je la respire sans jamais me soucier du pire et de tout. Je m'en fous, moi, quand je ne rêve pas. Je suis comme prisonnière. Que je me conduis comme une enfant, que je fuis ta vraie vie. Ils disent que ma passion m'aveugle et qu'un jour je finirai seule avec mes m'aveugle et qu'un jour je finirai seul avec vous. I després dels dos senzills no se'n va extreure cap més, però hi ha un parell de cançons que m'agraden prou i que m'agradaria fer-vos escoltar amb el programa del dia d'avui d'aquest àlbum de la Mel Band, d'aquest àlbum del 2011. S'arriver a Jordui i les cançons tristes són els dos temes que he triat per vosaltres. Com a nouveau bonheur, je ne sais pas si je rêve et d'où me viennent ces couleurs. J'ai les yeux grands ouverts, mes bras autour de son corps, le cœur à découvert et l'amour comme décor. Et je sais seulement que je me sens bien. Je sais qu'avec lui je ne risque pas. plus rien. C'est arrivé aujourd'hui, c'est arrivé simplement, comme une chose qu'on n'a pas choisie, qui s'est posée là. Je fais juste à l'envie, un monde à ma façon, fidèle à celle que je suis. Et je sais seulement que je me sens bien. Je sais qu'avec lui je ne risque plus rien. Partie de vivre, trois petits tours et plus ça recommence. C'est une les chansons tristes, les cas sur les faiblesses et les blessures ouvertes. Moi j'aime les chansons tristes, les chansons tristes, les douleurs, les détresses, les amours qui disparaissent. Elles chantent aussi fort que j'existe. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Si on sait que les jours s'effacent, de nouvel an en ciel d'été, si on sait que le temps nous casse pour nous demander d'oublier, comme on écrit nos espérances en larmes intimes qu'on veut garder pour le hasard qui donne une chance un jour de se retrouver. Il sort du cœur de ma mémoire un ciel qui ne vieillira jamais, un tube anglais pour notre histoire qui n'en finit pas de tourner, une adolescente en voyage pour un soleil d'éternité, un jeune homme blond, un peu sauvage, qui avait osé t'embrasser. Ne me raconte pas ta vie, je ne chanterai pas la mienne, alors qu'on sait d'avance qu'elles sont un peu les mêmes. Ne me raconte pas ta vie, je ne chanterai pas la mienne, à quoi bon jouer la scène des regards qui s'abstiennent du passé qui nous danse et qui trinque à la sienne, des sourires désolés qu'on s'aime encore quand même. Ne me raconte pas ta vie, je ne chanterai pas la mienne, alors qu'à l'évidence on se ferait de la peine. Des nuits pour une absence, jamais tu n'étais loin de moi. S'il neige des rires en impatience, au fond tu riais avec moi. D'aucuns trouveront qu'on exagère du temps d'avant que l'on resserre. Combien d'amour tellement vivant qu'on croit sous terre. Ne me raconte pas ta vie, je ne chanterai pas la mienne, alors qu'on sait d'avance qu'elles sont un peu les mêmes. Pourquoi repasser nos vies avec nos morceaux choisis, nos amours, nos conneries, nos galères, mais aussi que l'on a des enfants qui sont fierté qui s'impose de les avoir réussis. À quoi bon jouer la scène du destin compris, des guerres que l'on a gagnées, à être seul aujourd'hui. Ne me raconte pas ta vie alors qu'on sait d'avance qu'elles sont un peu les mêmes. À quoi bon jouer la scène des regards qui s'abstiennent, du passé qui nous danse et qui trinque à la sienne, des sourires désolés qu'on sème encore quand même, des guerres que l'on a gagnées à être seul aujourd'hui. Si seul aujourd'hui, ne me raconte pas ta vie, ne me raconte pas ta vie. Elles sont notre premier ennemi quand elles s'échappent en riant des pâturages de l'ennui. Les biches avec des cils comme des cheveux en accroche fin et seulement le bout des yeux qui te rit. Si bien que le chasseur s'arrête et que je sais des ouragans qu'elles ont changé en poètes, les biches. Mais qu'on les chasse de notre esprit ou qu'elles nous chassent en rougissant, elles sont notre premier ennemi, les biches de 15 ans. Elles sont notre plus bel ennemi quand elles ont l'éclat de la fleur et déjà la saveur du fruit, les biches. Passe toute vertu dehors, alors que c'est de tout leur cœur, alors que c'est de tout leur corps qu'elles trichent. Lorsqu'elles broutent le mari ou lorsqu'elles broutent le diamant sur l'asphalte bleu de Paris, les biches. On les chasse à coups de rubis ou qu'elles nous chassent aux sentiments, elles sont notre plus bel ennemi, les biches de 20 ans. Elles sont notre pire ennemi quand elles savent leur pouvoir mais qu'elles savent leur sursis. Les biches. Quand un chasseur est une chance, quand leur beauté se lève tard, quand c'est avec toute leur science qu'elles trichent, trompant l'ennui plus que le cerf et l'amant avec l'autre amant et l'autre amant avec le cerf qui biche. Et qu'on les chasse à la folie ou qu'elles nous chassent du bout des gants, elles sont notre pire ennemi, les biches, d'après 20 ans. Elles sont notre dernière ennemie quand leur sein tombe de sommeil pour avoir veillé trop de nuit, les biches. quand elles ont le pas résigné des pèlerins qui s'en reviennent, quand c'est avec tout leur passé qu'elles trichent, afin de mieux nous retenir, nous qui ne servons à ce temps qu'à les empêcher de vieillir, les biches. Et qu'on les chasse de notre vie ou qu'elles nous chassent, parce qu'il est temps, elles restent notre dernier ennemi, les biches. Trop longtemps. Aquesta ha estat la música que ens portava i que ens acompanyaven dos grans artistes, en François Valéry, la primera de les cançons, la segona en Jacques Brel. Segueixes a Hola la Música amb Rafael Corbí, programa de música en francès. El protagonista que hem triat per les tres properes cançons són tres dels grans èxits de Salvatore Adamo. La primera, des del 1975, Se Mavi. L'histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Chaîne, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi, sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste quand parfois j'ai cœur gros, je te l'ai sacrifié. Devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, C'est ma fille, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. C'est ma vie. J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah. Son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui te rendent. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Les femmes tombent sous l'orage, demain le sang sera lavé, la route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah. « conèixer l'altra cançó que destacàvem també, en aquest cas des del 1967, de Salvatore Adamo cantant aquestes cançons. I la darrera que escoltarem, Les filles du bord du mer, és una cançó que també ens aportava en Salvatore Adamo i que escoltem amb el nostre programa, en aquest cas des del 1964. Je me souviens du bord de mer avec ses filles au teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière. C'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève. C'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Dans cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondaine, sinon elle devenait malingre. Puis un beau jour, j'en ai eu marre. C'était pique la mer à boire, je l'ai refusé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, j'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait leur plaire. Music, amb Rafael Corbí. I acabarem el nostre espai amb el segon àlbum d'estudi de la Patricia Cas, d'aquesta extraordinària artista. És Escena de vida, que va ser el seu segon àlbum el 1990. M'envoie toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps. Musicien, artiste, peintre ou comédien, souvent les hommes qui passent, maman, m'offrent toujours une jolie chambre avec terrasse, maman. Les hommes qui passent, je sens qu'ils ont le cœur à marée basse. Les hommes qui passent pourtant La Patricia Cas, que va debutar el 1985 i que poc després extreia el seu primer àlbum, un àlbum exitós, però sobretot els dos següents, el primer dels quals va ser aquest Ser de vida, el qual escoltem alguna de les millors cançons que en varen sortir d'aquest àlbum ja per arribar al final. Un artista que també va triomfar amb un idioma proper a l'alemany. De fet, ella és de la Lorena i el seu idioma natal és un d'aquests que es parlen molt proper al que és l'idioma alemany, amb aquesta aprendre el frànsic lorenès. A tota la zona de la Lorena hi ha diverses llengües, molt similars entre elles, dialectes de Mosell, que s'anomena, i això també va fer doncs, que ella el parlés i cantés amb alemany. La música de la Patricia Cas, en 17 milions de discos venuts arreu del món en tota la seva història, aquesta artista nascuda el 5 de desembre del 1966 i que ens acompanya al final de l'espai. Ho faran dues cançons més d'aquest mateix disc. Salutacions de Rafael Corbí, això ha estat Hola la Música, Patricia Cas, fins al final del nostre programa. Faudrait pouvoir jeter tous les mannequins d'osier du haut d'un grand pont, ces fantômes oubliés, ces ombres du passé qui nous espionnent. Faudrait pouvoir brûler les visages adorés de notre enfance, marcher d'un pas léger vers le soleil qui vient en insouciance et les regarder. Du haut d'un grand pont, comme les poupées cassées, les pierrots abîmés de la mémoire. Faudrait pouvoir rayer les prénoms murmurés dans sa jeunesse et savoir oublier les yeux et les baisers de la tendresse et les regarder. Yeah. suis pas comme Rose Kennedy. Je voudrais pas que mes filles chéries deviennent plus tard, quelle folie. Président des États-Unis, elle s'appelait. Dites-moi quelle métamorphose a fait d'une si jolie fille rose une dame pour qui ses fils osent de toute leur vie faire un défi, de toute leur vie faire un défi. Je suis pas comme Rose Kennedy. Je voudrais pas que mes filles chéries jolie petite fille rose. Ses filles chéries de l'Amérique auraient pu faire de la musique, des sciences ou des mathématiques, au lieu de n'être que des filles. Je suis pas comme Rose Kennedy. Je voudrais pas que mes filles chéries